La matinale des 18h, l'émission décalée des fagettes. Bonjour matinalien, matinalienne, de 18h bien sûr, j'espère bien que sûr. Vous allez bien. Autour de cette table, j'ai toujours les mêmes acolytes depuis cette année et pour l'année prochaine aussi, avec James. Comment tu vas, James? Salut, ça va très bien Tristan, merci, et toi? Ah bah écoute, ça va très bien. Et bah c'est très bien. C'est marrant, on dirait que c'est un hologramme qui parle. Mais je suis un hologramme. Mais non. Je ne suis pas présent physiquement ici, je suis Benjamin en Norvège. Présent. En Norvège? Ouais. Et pourquoi t'es en Norvège? Parce que j'avais envie de découvrir la Norvège et je voulais me rapprocher du Père Noël qui va bien pas tarder à passer. D'accord, c'est la fin, le Père Noël. Ouais, je sais, mais je m'en rapproche, on est quand même plus près en Norvège. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, t'as tout à fait d'accord. T'as tout à fait raison. C'est plutôt que d'accord. Je te remercie. Voilà. Jeanne, comment tu vas? Jeanne. Entre James c'est et Jeanne. Jamais bah ouais, non, mais on a James, on a Jeanne, puis on a Jocelyn. Eh oui. Ah, les trois J. C'est vrai que c'est que c'est les J. Ouais, Jeanne, comment tu vas? Très bien, merci. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, je vais vous parler de... Ah oui. Voilà. Wow. Ben super, très bien. Et Jocelyn. Salut Tristan, comment tu vas? Le roi du... C'est moi. Le roi des cocktails, voilà. Ah, okay. Parce que il l'a mimé, j'ai cru que tu disais le saxophone. Je me suis dit, tiens, il y a un truc que je connais pas sur. C'est ça, ouais. Ah, le roi de la trompette, c'est Tristan. Celui qui a la voix. Je cherchais en plus pourquoi. C'est sur quelque chose qui s'est passé hors antenne. Non, mais on peut en parler. Ah bon, on peut le sentir aussi d'ailleurs. Une flatulence. Je me suis essayé à m'enregistrer un P avec le micro et ça marche bien. Pourquoi tu mets ça au singulier? On parlerait pour être honnête après. Non, mais c'est rendu indifféré. Ça va. Ouais. Ah le reste indifférent aussi. Donc, oui, non, c'était pas une trompette. C'était un cocktail parce que tu es le roi des cocktails, on peut c'est le dire. C'est vrai, The King of Cocktail. Il y a même eu un film. Oui, qui s'appelle Cocktail. Non, il s'appelle pas Cocktail. Ouais, non, mais t'as été enregistré en plus. Oui, c'est vrai. J'ai assisté à un court-métrage. J'ai été comédien, je joue mon propre rôle. Mais ouais, clairement. C'est toi qui ouvre le court-métrage. C'est moi qui ouvre le court-métrage. Et Jeanne aussi était dans l'affaire. Jeanne ne voit rien du tout. Si je comprends bien, vous étiez tous dedans et moi j'étais pas dedans, c'est ça? Non, t'as pas répondu à l'invitation. C'est vrai que t'étais pas dedans. T'as pas répondu à l'invitation. Figurez-vous que je figure sur zéro. C'est marrant comment t'as pas manqué au court-métrage. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. D'ailleurs, je l'ai mal pris que tu sois pas venu sur ce court métrage là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas gentil, quoi. Choix. Écoute, voilà, prends le mal, mais c'est mon choix effectivement. Ouais. Effectivement, j'ai réalisé un court métrage télé, quoi. Et qu'on a tourné au bar Le Cristal, place c'est Maginot, vrai. Où vous pouvez retrouver Jocelyn au bar. Bah ouais. Mais après voilà, moi j'ai les auditeurs qui vont venir, qui vont dire Jocelyn fait des blagues. Bah non, je fais des cocktails. Et voilà. Bah bon. Mais au moins, si je peux t'augmenter ton chiffre d'affaires. Ah ouais. Merci qui? Merci Billy. Mettez-lui pour voir. Ah bon, il est déjà tard. Hein. Oh là là. Il paraît très. Il fait nuit déjà. Il fait même nuit. T'as vu, c'est fou. C'est normal, il est 18h passé de quelques minutes, enfin. Mais clairement, il clairement. 18h et quelques. Et d'ailleurs, c'est sans plus tarder, on va enchaîner avec le journal. Je me mets juste bien sur les titres. Mets-toi bien, mets-toi. Toi, bien. James. C'est le journal de la matinale de 18h. Il est 18h passé de quelques minutes. On commence tout de suite avec James pour les informations nationales et internationales. Kylian Mbappé avoue avoir bloqué Emmanuel Macron sur WhatsApp. Et oui, cela fait suite à l'insistance du président de la République à vouloir à tout prix le consoler après la défaite en finale. Ah ouais. Il aurait envoyé près de 50 messages parmi lesquels « Allez mon gars, ça va aller, je suis là si t'as besoin de parler » ou encore « Passe manger, Brigitte nous fait un osso buco ». Le joueur déclare préférer la proximité de l'émir du Qatar qui lui est un vrai ami. C'est à regretter même Jacques Chirac. Bernard Arnault annonce créer une cagnotte en ligne pour permettre aux gens de l'aider à maintenir sa première place au classement des hommes les plus riches du monde. En effet, le milliardaire est récemment repassé en tête du classement et souhaite que toute la nation l'aide à maintenir cette place. Ainsi, vous pouvez donner sur sa cagnotte Litchi. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de petite somme. Après, c'est quand même pas à coup de 2 ou 3 euros qu'on va faire avancer le truc, donc n'hésitez pas quand même à allonger... Un peu plus. Un petit bifton, quoi. Franchement, un petit 20 euros, 30 euros, ça change quoi pour vous alors que lui, ça peut changer son destin. Quand on voit ce que chaque foyer français va dépenser pour Noël. Voilà, exactement. Merci. Troisième information, retour sur les personnes qui sont nées en 2022. Voilà, chez Fadjet, nous préférons regarder vers l'avant. Et plutôt que de faire l'inventaire des personnes qui sont mortes en 2022, on va parler de celles qui sont nées. Ainsi, on peut citer le petit Aaron, Aaron Arne, qu'on salue, né le 9 décembre. La petite Agathe également. On a également la naissance de très nombreux Lionel en Argentine. Voilà, tout ça est mignon. Et rappelons que la plupart de ces êtres humains vivront le 22e siècle. Wow. Ah ouais, c'est vrai en plus. Ouais, ces gens-là, ils seront là en 2100. Alors que nous, non. Bah, on sera tous morts. Alors non, on verra. Moi j'ai quelques chances. J'ai encore quelques chances. Oui, bah, moi encore plus que vous. Hein. Ah non, Jocelyn encore plus que moi. Non, moi je suis jeune. Toi, Jocelyn, c'est vrai que t'es jeune. Et Jocelyn il est jeune, mais franchement il mange n'importe comment. C'est vrai. C'est vrai qu'il boit n'importe comment. Je suis un vrai glouton. Je bois n'importe comment. Les mots qui font mal entendre. La description. Très bonne transition pour enchaîner. Barman qui boit n'importe comment. Voilà. On passe tout de suite aux informations locales justement avec Jocelyn. Exact. Verdun va livrer des obus et des munitions de la Première Guerre mondiale à l'Ukraine. On ne sait pas exactement pourquoi cette décision a été prise, mais il est possible que l'Ukraine ait besoin de ces armes pour se défendre contre les agressions russes. Même désarmées, ces munitions sont comptabilisées par l'armée russe et donc ont un impact majeur sur l'armement grandissant ukrainien. Vladimir Poutine aurait déclaré « Arme russe, arme française dangereuse ». Donc, ça veut tout dire. Attention aux accents racistes. Oui. C'est ça. Je cite russe, on a le droit. Africain, on n'a pas le droit, mais russe, on a le droit. Allez, next donc, news. Profitons-en. Vent de panique à Gérardmer suite à une alerte tsunami. Les habitants ont été mis en alerte hier soir suite à des informations inquiétantes concernant la possible vague géante sur le lac. Cependant, après vérification, il s'est avéré que ce n'était qu'une petite vaguelette causée par un groupe de jeunes jouant au frisbee. Les autorités ont rassuré la population et ont demandé aux habitants de ne pas paniquer. Et on termine avec une information exclusivité, Fadjet. Patrick Bailly représentera la France à l'Eurovision. C'est sans surprise que Patrick Bailly, notre égérie Made in Lorraine, représentera la France aux côtés de son plus grand rival, l'Espagnol Pablo Sanchez. C'est ce samedi sur vos écrans et on ne peut que certifier que ce sera un grand moment de télévision. Mais clairement, tu peux d'ailleurs... C'est quel titre qu'il va faire Jeanne va nous en parler. Ah oui. C'est quel titre du coup tu le sais. Mais... Ah oui, la guirlande verte. Oui, c'est ça, la guirlande verte. Oui. Tu peux le fredonner. La guirlande verte pour Noël, je l'enroule dans mon sapin, à défaut de l'enrouler sur ma main. Ah bah moi je vote en tout cas pour Patrick Bailly. On se demande d'où vient cette inspiration. Faut savoir quand même que ça date de 77 la dernière fois que la France a gagné l'Eurovision. Et toute Marie la Myriam. France est Marie Myriam comme un oiseau. C'est ça, c'est ça. Un oiseau. C'est vraiment ce samedi l'Eurovision. Je ne sais pas. Moi non plus. On va dire. Comme un enfant. Mais on est là pour débunk les news que je donne. Ouais, en fait, c'est trop pas crédible. Quoi. On en parle de crédible, mais en fait, c'est faux ce que tu viens de dire. Mais non, sans toi, mais tu sais, il y a des gens, ils sont en train de réserver leur samedi. Genre, oh, il y a l'Eurovision ce samedi, il y aura Patrick Bailly. Tu vois, alors en plus, je crois qu'on peut le regarder au bar Le Cristal. Quoi ? Non, je pense pas, mais bizarre. Ils font même des coffrets cadeaux. On va empêcher de rentrer certains clients. Le best-of de Patrick Bailly. Soirée dédicace de Patrick Bailly. C'est ça. Au bar Le Cristal. Ah bah ouais, trop hâte. Dans la piscine. Ah oui. La météo. En cette fin décembre 2022, c'est 2022 qui s'efface. Et avec lui, tant de souvenirs qui doucement se passent. Celui de voir Régine, Pernod ou Arnaud qui trépasse. Celui du changement d'hôte de Buckingham Palace. Et cette Coupe du Monde qui soudain fait volte-face. Mais il y eut aussi des joies et des bonheurs fugaces, comme tous ces couples qui naissent sur la place Stanislas, comme l'épopée magique des Lions de l'Atlas, comme le retour de la Starac de Nikos Aliagas. Par nostalgie ou par tristesse, 2022 m'enlace. Son étreinte s'affaiblit et le froid la remplace. Celui qui fige mon cœur autant que mes essuie-glaces. Dois-je me tourner vers le futur ou simplement chez Carglass? Finissons sur ces lignes de gaieté plus vivace. Hier c'était bien, mais demain c'est sans sas. 2023 sera un beau livre dont 2022 était la préface. Oh. Ah ouais, d'accord. C'est... Du génie. Ouais, c'est du génie et ça te demande combien de temps de préparation? Ça c'est environ 14 minutes. Quand même 14 minutes. Ouais, ouais, ouais. T'as ouais, 14 ouais. minutes à consacrer à l'émission. Ouais. Oh là là. T'imagines. Le mec, il bosse, quoi. Quand on se base sur des notions de Jocelyn, 14 minutes, c'est énorme. 14 minutes, je vais préparer une saison d'émission. L'autre, il nous balance que l'Eurovision, c'est samedi. Voilà. Ça passe crème. Bolosse. Pourquoi aller vérifier? Alors, par contre, est-ce que tu veux la refaire? Parce que je crois que t'as buté sur un mot. Non. Oui, si, j'ai buté au début. Si, j'ai beaucoup buté. Du coup, au tu début. Veux la refaire complètement ou pas? C'est un bon buteur. Pourquoi tu veux que je la refasse? Non, elle était bien. Elle est bien comme ça. On la garde. Alors on la garde comme ça. On la met en général. Ouais, ouais. Non mais vous inquiétez pas. De toute façon, je ferai une compile audio qui sortira en cassette. Mais non. De toutes mes météos. Toutes les météos. Voilà, qui seront compilées. Disponibles sur Spotify ou pas? Non, juste en cassette. En cassette audio. Ouais. Ouais. Sur une musique de Patrick Bailly d'ailleurs. Ah oui, il y a un fond musical de Patrick. Absolument. Il jouera de la trompette. La trompette. La trompette de Patrick. Que j'accompagne allègrement. Oh, on est à quel jour là déjà? Le 22. Et on est le 22. Mais ça passe. Hein. La Coupe du Monde, c'est déjà tellement loin. Bah c'était quoi? C'était il y a une semaine. Mais non. Mais si. Oh là là. Qui c'est qui a gagné déjà? Je me rappelle même plus. L'argent quoi? L'argent quoi? C'est l'argent qui a gagné tout simplement. Oui, c'est ça. C'est vrai. Imagination, so good, so right. Ils vont s'appeler Lortine maintenant. Imaginations, so good, so right. La matinale de 18h. éphémérides de 18h sur Fadjet. Wow. J'ai l'impression de découvrir encore. Celui-là, c'est sûr, c'est la première fois qu'on l'entend. C'est pas toi qui l'aurais enregistré, ce jingle. Ah ouais. Mais non, mais on reconnaît la trompette là. Hein. Alors merci Jean-Luc, parce que je pense que c'est lui qui a fait l'arrangement là-dessus. Sur une voix de Camille, je crois. Absolument, c'est Camille. J'hésite entre Galen et Camille, mais je crois que c'est Camille. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Ah ouais, ça c'est. Elle a une voix sexy. Hein. Ouais, on lui avait demandé d'avoir une voix sexy sur les corps de chasse. Soit sexy, soit la chasse. C'est moi le corps de chasse. C'est le 356e jour de l'année, 357e. Si c'était une année bisextile, mais ça n'en est pas. Il reste 9 jours avant la fin de l'année. C'est la Saint-Thérèse. Est-ce que vous savez qui est Thérèse? Oui, c'est une sainte. Alors, c'est le deuxième prénom de ma mère aussi. Enfin, exactement. Ma mère, c'est Marie-Thérèse, donc voilà. Elle est femme de ménage. Est-ce que du coup, est-ce qu'on fête, on fête sa saint à Marie ou à Thérèse? Où il y a une Saint-Marie-Thérèse et on n'a pas été tenu au jus. Pour te répondre, je vais... Marie-Thérèse, c'est pas une... C'est une infirmière dans Les Inconnus. Oui, c'est pour ça qu'elle demandait si... C'est même pas une infirmière, c'est plus une... Oui, c'est plus effectivement les femmes de ménage, comme je disais, dans ce sketch. D'accord. Donc du coup, pour répondre à la question, t'as une Saint-Marie-Thérèse? Bien écoute, pour te répondre, je vais tout simplement l'appeler en direct. Elle l'appelle Marie-Thérèse, c'est quand t'as fait toi alors? J'appelle maman, hein, c'est ma mère. Oui, bon, bah, chacun appelle ta maman comme il veut. Ah, oui. Parce que moi aussi, j'appelle ma mère maman. Ah ouais, c'est incroyable ça. Moi, c'est Noël. Elle s'appelle Madeleine. Ah. Et elle s'appelle pas Marie-Thérèse. Ok. Ok. C'était un beau moment de radio encore une fois. Est-ce que vous savez qui est René Descartes? Oui. Eh ben, il est mort en 1694. T'as dit quoi, toi? Un joueur de poker. Vous savez, il y a un dicton qu'on dit dans les joueurs de poker, qui est de Patrick Bruel, qui dit « Le plus important au poker, ce sont pas des cartes, c'est ce que vous en faites. » Ah oui. Et en plus, ça a mis l'accent. Ouais, moi, j'aurais aimé une voix un peu plus grave, quoi. Il l'a bossé. Le plus important au poker, ce ne sont pas des cartes, c'est ce que vous en faites. On y est. Ouais, même un 7-2. Il est là. Ludwig van Beethoven est aussi décédé à Vienne en Autriche. Mais il y a du beau monde là. Mais oui, faut vérifier ce que je dis parce que c'est pas forcément c'est vrai. C'est quand même les premiers froids qui arrivent. Et quand Beethoven meurt, les premiers givres là qui arrivent. Il a pas fait l'hiver. Hein. Mais il y a des belles naissances aussi aujourd'hui. Mais non. Jean-Paul Belmondo est né. Ah ouais. Al Pacino est né. Jean-Jacques Goldman est né. Et Julia Roberts ainsi que Calogero. Mais attends, c'est pas possible. Il y a d'habitude tout ça. Il y a trois personnes dont deux qu'on connaît pas. Oui. Et là t'as le. Et là j'ai sorti le gratin. Là c'est voici 1954. Laisse tomber, c'est du pipeau. Ah oui, j'ai l'impression. Il a pas fait l'éphéméride en fait. Il a rien préparé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 22 décembre 1903? À 1903. 1903, le 22 décembre 1903. C'est la guerre sino-russe. Mais non. Les frères Wright. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les frères Wright? W-R-I-G-H-T. C'est raciste. Je connais Lille, mais non. À Kitty Hawk, en Caroline du Nord, aux États-Unis, Wilburg et Orville Wright avaient travaillé pendant de nombreuses années sur le développement de leur avion, pas au pluriel. Ils ont réussi à effectuer le premier vol en avion de l'histoire à Kitty Hawk. D'accord, alors personne, complètement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Non, mais parce qu'en fait, moi j'étais en train de vérifier que Jean-Paul Belmondo n'est pas né du tout un 22 décembre. En fait, tout cet éphéméride, il est complètement pipoté. Mais c'est. Ça ne se vérifie pas, non. Il est né à Neuilly-sur-Seine en France. Après, voilà. Même ça, j'aimerais bien que tu vérifies. Si c'est juste. Oui, il est né à Neuilly-sur-Seine, ça c'est vrai. Et il est mort à Paris. Dans cette le 22 décembre, ils ont réussi à faire décoller leur appareil et à parcourir une distance de 37 mètres en 12 secondes. Le premier vol d'avion a été réalisé le 22 décembre. En 1903 En 1903. T'es en train de faire 3 heures sur un mec qui a volé pendant 37 mètres. Et en 12 secondes. En 12 secondes. Deux mecs, c'était deux. Putain, mais tu fais pas l'année, toi. Attendez, parce que j'ai un dicton. Je vais finir quand même l'éphéméride sur le dicton. Ouais, le dicton du jour. Toi. Au mois de décembre, qui s'en va nu revient couvert de neige. Oh oui. Et voilà, ça fait plaisir, ça régale. D'accord. Alors moi, j'ai besoin de cette approche philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui s'en va nu couvert de neige. Revient couvert de neige. Si tu vas, par exemple, te sortir tes poubelles à poil. Oui. En plein mois de décembre. Et tout le monde quand te tire des boules de neige. Mais non, mais tu reviens, parce qu'il neigeote forcément en mois de décembre, c'est quand il neige. Ouais. Donc tu reviens, je suis couvert de neige ou quoi? Si t'es habillé aussi, quoi. Bah ouais. Allez. La météo. Non, on a déjà fait la météo. Ah mince. Bon, alors, de tous les noms que t'as dit, qui vraiment est né un 22? J'en ai aucune idée. Ah ouais, mais tu Jean-Paul, mais en fait non, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me dire donne-moi les naissances du 22 décembre parce que je trouvais ça marrant. Et il m'a sorti Jean-Paul Belmondo, Al Pacino, Jean-Jacques Goldman, Julia Roberts et Calogero. Mais imagine que Al Pacino écoute la matinale. Alors Al Pacino, ils ont dit quoi? Acteur et réalisateur américain est né à New York aux États-Unis. C'est mytho encore. Calogero, c'est faux. Calogero, c'est faux. Bah, bon. Tout est faux. Et Al Pacino, t'as vérifié? Les morts, non, mais sont... j'ai pas fait. En fait, c'est... non, les morts sont des vrais morts. Les morts sont des vrais morts. René Descartes et Ludwig van Beethoven a rendu l'âme à Vienne en Autriche en 1808. Le 22 décembre, on le sait, on le non, on non, se il rappelle. Y a écrit, Beethoven, il est mort le 26 mars, moi j'ai écrit. Et il est né le 15 ou 16 décembre. Je vais regarder moi de mon côté parce que je pense vas-y, pendant ce temps-là. T'es sûr que c'est pas son petit-fils Patrick von Beethoven? Ah oui, il est mort le. Voilà, oui. 26 mars. Bizarre cet éphéméride. C'est fou ça, hein. Putain, mais comment tu m'étonnes, toi? Oh, arrêtez, c'est bon, vous percez à jour un de mes secrets de l'éphéméride. C'est pour ça que je la faisais plus, hein, de toute façon. Hein. Ouais, alors, Ariana Grande, Santa Tell Me, et pendant ce temps-là, vérifie au moins Al Pacino. Je vais vérifier. Santa Tell Me. Ariana Grande, Santa Tell Me! La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Nous retrouvons tout de suite l'horoscope avec Jeanne, moi-même. Bonjour. Ah, tu te présentes, en fait. Elle tenait faire des jingles, visiblement. Ok. Alors, nouvelle version de l'horoscope, encore. Ah, j'adore. Alors, ça, personne ne s'habitue. Ouais, c'est ça. Alors, je vais faire rapide, efficace, court. Tu fais ce que tu veux. Comme toi, Tristan. Rapide, efficace, tous les signes, vont avoir droit à leur petite phrase. Pour savoir ce que l'on adore chez eux. Ah oui, parce que ça, on a besoin de savoir. Mais c'est ça. On a besoin de savoir. On n'a pas besoin de jouer, là, du coup. Non. Il n'y a pas de jeu, en fait. Ah, là, il n'y a pas de jeu, là. On joue pas. Tu peux aller garer ta voiture, du coup, Tristan. Ah ouais, coupe les micros. J'ai les micros, mais il n'y a pas de jeu, là. Bougez ma voiture. Alors, les béliers, ce qu'on adore chez le bélier. Bah, après, vous pouvez essayer de deviner. On adore ses cornes. Ok. Bah, du coup, on adore sa femme. Ah ouais. On adore ses cornes. Tu me diras, le bélier, c'est un des signes les plus infidèles. Ah bon? Ouais. Ah, ça, alors. Ouais. C'est statistique ou c'est. C'est statistique. C'est statistique. Tati qui te l'a dit. Alors, ce qu'on adore chez le bélier, c'est son enthousiasme inflexible et sa force. C'est vrai. Le taureau, ce qu'on adore chez le taureau. Ses cornes. Ah, donc, du coup, c'est sa femme. Bah, parce que c'est tout de suite. 94-2, service compris. Les anecdotes de Rodolphe. Je ne pouvais pas m'empêcher, pardon. Alors, ce qu'on adore chez le taureau, c'est son soutien et son dévouement à ceux qu'il aime. Le gémeau, qu'est-ce qu'on adore chez le gémeau? Allez. Toi, tu les aimes pas, les gémeaux. Je c'est sais cornes. Que tu les détestes. C'est cornes, je sais pas quoi ressemble un gémeau, mais. Physiquement, ça ressemble à quoi un gémeau? Ah, dis donc. Magasin de chaussures classiques. Ah, mais oui. Ah, oui. Ah, oui. Elle est pas mal. Elle est pas mal, on adore sa femme. Aïe, aïe. Ce qu'on adore chez le gémeau, c'est sa conversation animée et stimulante. Oh, oui. Ouais, donc, vous n'êtes pas gémeau. Donc, les gémeaux sont moches en général, du coup. Ah, ouais. Ils parlent beaucoup, quoi. Voilà. Faut combler quelque chose, quoi. Alors, après, c'est lion. Hein. Cancer. Cancer. Cancer, ouais. C'est cornes. Qu'est-ce qu'on adore chez le cancer? Les pinces. Ah. Non, ils sont super sympas. Ils sont super sympas. Adorables. On adore sa nature protectrice et bienveillante. Exactement. C'est vrai qu'on s'en protège. Sa compagne, les cancers. Et moi de même. Ouais, ouais. Les lions. Ah, toi aussi. Mais oui, c'est pas grave, autant parler de ma compagne. Mais tu lui dis à chaque fois. Non, mais il m'oublie tout le temps, c'est pas grave. Oh là là. Ouais. Les lions, on adore chez le lion. Qu'est-ce qu'on adore chez le lion? Sa queue. Mais. La queue de lion, quoi. 94-2, service. Les anecdotes de Rodolphe. Sa crinière. Sa crinière, voilà ce que je voulais dire, la crinière, bien sûr. Ce qu'on adore chez le lion, c'est son soutien chaleureux à ses amis. Ok. Ah ouais, on est sur des choses un peu plus profondes, mais. C'est passionnant. Ouais, c'est, bah, ouais, c'est bien. En la vierge, qu'est-ce qu'on adore chez la vierge? Ouais, alors faites gaffe, c'est un c'est peu là, comme ça. Le lion. Ouais, là, c'est terrain glissant. Ah, qu'est-ce qu'on adore chez la vierge? Qu'est-ce que vous aimez chez moi? Citez-moi trois qualités. Trois, ça sera bien. Nous menace pas non plus. Ce qu'on a... Alors, qu'est-ce qu'on a chez la vierge? Je sais pas. Ce côté loufoque, ce côté extraverti. Ce côté, ça, c'est la vierge folle, ça. Ouais. Alors, la vierge, on aime les efforts qu'elle fait dans ses relations. Ah oui. Voilà. Enchaîne. La balance. La balance. Tout ça parce que ça t'intéresse pas. Écoute. Mais si, ça alors, la balance, c'est hyper intéressant. Du coup, tu vas être plus attentif pour ça, la balance. Ma compagne. Qu'est-ce qu'on adore chez la balance? Robert Ball. Robert Ball. Il y avait un V quelque part. Moi, ce que j'adore là, chez la balance. Non, j'ai pas sur la balance. C'est si mon j'arrive poids. Pas à faire le truc, c'est que la vanne sera pas bonne. C'est son poids. Vas-y, je prépare le jingle. Je te lance. Ce que j'adore. Chez la balance, c'est ça. Service compris. Les anecdotes de Rodolphe. Ce que j'adore chez la balance, c'est quand elle me dit que j'ai perdu du poids. D'accord. Alors, non, après alors on adore signer. Sa nature charmante et diplomatique. Voilà, exactement. Chez le scorpion, qu'est-ce qu'on aime chez le scorpion? Sa queue. son dard, oui, bien sûr. On aime son attitude passionnée et émotionnelle. Le sagittaire. Qu'est-ce qu'on adore chez le sagittaire? Les cornes. Oui, les cornes. Et sa femme. On adore son optimisme sans fin et son humour. Le capricorne, C'est corne. Ça, il y a beaucoup de trucs à corne. Mais oui, beaucoup de femmes aussi. Ouais, allez. Ouais. Qu'est-ce qu'on adore chez le Capricorne? J'en sais rien. Son ondoyance et sa vivacité. Ah oui, son état d'esprit, son hyper jovial. Mais c'est pas un morceau dans le bœuf, ça? Un ondoyant, c'est un abat. Ah, c'est l'onglet, ouais, d'accord. On adore la sécurité qu'il crée pour ses proches. Sécurité routière. Le Verseau, j'ai mis tous mes proches en sécurité. Le Verseau, il n'y a pas de corne. Non, Verseau, okay. Verseau, on sait pas, on sait pas ce qu'on aime chez lui. Non, ah bah, voilà, naze. Voilà. Ça ressemble à quoi, un Verseau? Il y a un seau, quoi. Il y a un seau d'eau. Et un verre. C'est un truc qui balance, un seau d'eau. Ouais, c'est ça. Oui, c'est, c'est quelqu'un qui verse de l'eau, non? C'est une femme de ménage. C'est un Verseau, quoi. Un puisatier. C'est naze. Tous les Verseaux, désolé, hein, mais waouh. Ça verse de l'eau, quoi. Ce qu'on adore chez le Verseau, c'est la variété qu'il apporte dans la vie de tout le monde. Tu m'étonnes. Voilà. C'est moi où tous les trucs c'est un peu la même chose, non? Non, un peu. C'est toi. C'est, très franchement, moi je. Attends, non, là c'est le poisson. C'est les cornes, les cornes ou la queue de toute façon. Et le poisson, en fait, qu'est-ce qu'on aime chez le poisson? C'est toi tes poissons? Ah, moi c'est toujours le dernier de tout ça. Quand on cherche Tristan, il est au fond. Mais voilà. Tristan, au fond, bah le dernier, dis-moi. La queue? Le poisson? Oui. Non, il n'y a pas de corne. Qu'est-ce qu'on adore chez le poisson? Le fait qu'il ne pleure jamais. L'écaille. L'écaille. Ah oui, l'écaille, oui. Pas, oui, pas l'oiseau, les, pas l'oiseau. Non, l'écaille au barbecue, là. C'est le poisson, c'est trop bien. Au on adore le, ah ouais, le soutien bon. Léger et désintéressé qu'il offre. Mais voilà. Redis voilà. Plus lentement. Le soutien léger et désintéressé qu'il offre. Ok, d'accord. Voilà. Ça, t'as compris? Moi, j'ai... T'as, mais soutien léger, c'est un peu un euphémisme pour ouais, dire... Ouais. Tu sais, genre t'es arrivé des trucs... Allez, on enchaîne. Je suis là si t'as besoin, ciao. Ouais, voilà, non, mais le soutien léger, ça veut dire le manque de soutien. Quoi. Voilà, oui, c'est ça, oui, c'est un euphémisme. Non, c'est un mur non porteur, quoi, en fait. Il apporte de la joie et tout ça, voilà. Quand t'as besoin de soutien, c'est ça. C'est pas quelqu'un de grave. Mais très léger, très franchement, je suis pas sûr que cette formule de l'horoscope vivra... Une sur le 2023. Qui vivra, verra. Non, oui, bon. Alors, ça sent la fin d'année quand même. Hein. Allez, et comme ça sent la fin d'année, on va lancer le prochain journal juste après. Alors là, c'est mon choix musical. Ah, est-ce que ça va être bien du coup? Bah non. Eh oui. Tu connais? Bah, allez, coupe les micros. Au sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea, always lost in the sea. Tout part toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Ce qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Noir Désir, au sombre héros de la mer. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. On est très très très en retard pour ce deuxième Flash Info et on va tout de suite commencer avec les informations nationales et internationales présentées par James. Le Père Noël annonce qu'il va porter plainte contre le propriétaire du compte Twitter qui traque les mouvements de son traîneau. On ne peut plus rien faire tranquille, ce sont les mots du Père Noël qui indiquent un ras-le-bol de voir ce compte Twitter suivre les mouvements de son traîneau via une puce implantée sur son renne Rudolph. La solution serait éventuellement de s'en séparer, mais cela rendrait son travail nettement plus compliqué, tant le divertissement apporté par ce renne est grand via les fameuses anecdotes de Rudolph. Oh. Ah oui. Je me disais qu'il devait y avoir un truc sur Rudolph, pardon. Ah oui, c'est là que c'était je C'était là que tu t'es... Oh, bon, voilà. La production de cette émission est... 94 de service complet, les anecdotes de Rudolph. Oui, oui, oui, il y a de l'agacement, mais c'était totalement normal. Je ne le laisserai pas passer. Mais non, mais j'ai tellement usé ce bouton-là tout à l'heure. Donc voilà. T'as le bouton usé. Goûter de Noël à Fadjet. De Fadjet, on dit. Goûter de Noël de Fadjet. Une violente rixe éclate entre Gallon et Elon Musk. Effectivement, depuis le rachat de Fadjet, on savait que c'était pas le grand amour entre l'animateur phare, Gallon, de la voisinade notamment, et le milliardaire qui a récemment racheté Fadjet. Mais c'est un vrai point de non-retour qui a été franchi ce mercredi. Était-ce l'excès de vin chaud ou de bûche, mais en tout cas, Gallon et Elon en sont venus aux mains. Le conseil de discipline devrait statuer sur cet incident d'ici peu. Je sais que Jocelyn fait partie du conseil de discipline, donc je ne sais pas si... Bon, normalement, c'est censé être confidentiel, mais en tout cas, on s'est encore en pourparler. On a trouvé des compromis, mais on n'est pas encore sorti. Alors, on était à se goûter. C'était assez violent, quand même, ce qui s'est passé. C'est sûr que c'était une extrême brillance. Je pensais connaître Gallon. Mais en fait, là, j'ai appris que je connaissais pas Guillaume. Là, t'as connu Guillaume Chafouin, quoi. Ouais, c'était. Je pensais quand même. Ouais, non. C'était la chafouinade. C'était la chafouinade de 18h. Ah, mais clairement. Ouais. Enquête Fadjet, sans plus attendre, sans transition, pardon. Enquête Fadjet, cette étrange résurgence des pulls de Noël moches. Effectivement, vous connaissez certainement dans votre entourage une personne qui insiste pour faire une soirée pull moche de Noël. Et d'ailleurs, on en a un dans cette équipe. Fadjet a mené l'enquête pendant plusieurs mois et a découvert un véritable réseau souterrain de fans de pulls moches de Noël. Alors qui sont-ils? Comment opèrent-ils? À qui profite le crime? Cette enquête sera diffusée bientôt sur Fadjet et vous permettra de répondre à toutes ces questions. On passe tout de suite aux informations locales. Miss Lorraine, information locale déjà avec Jocelyn. Miss Lorraine perd son écharpe en pleine élection Miss France. On apprend qu'il s'agissait en fait d'un complot. Elle a immédiatement déclaré qu'il s'agissait d'un complot, en effet, des Meusiens pour lui voler son titre de Miss France. Elle affirme qu'elle a été enlevée par les Meusiens pendant la nuit et qu'ils ont défait les boutons de son manteau pour faire tomber son écharpe pendant qu'elle défilait. Elle a même lancé une campagne de crowdfunding pour financer un voyage à Verdun afin de découvrir la vérité. Une stèle faite en palettes de bois et de canettes de 8-6, érigée à Viterne pour dénoncer les conditions de travail déplorables des agents de la SNCF. Construite de manière clandestine à côté du ruisseau dans la nuit de mercredi à jeudi, les agents de la SNCF ont souvent dénoncé le manque de moyens, les problèmes de sécurité et d'alcoolisme au travail. Bien que certains habitants de Viterne aient des sentiments mitigés envers la SNCF, ils ont été émus par le message de cette structure. Tellement. Et enfin, des violences ont éclaté dans la rue de Laurent Monzé, suite à la finale perdue par la France face à l'Argentine. Et oui, ça s'est passé à deux pas de l'église paroissiale Sainte-Maurice. Les habitants de la rue de Laurent Monzé ont complètement perdu leur calme. On a vu des fermiers furieux retourner les tracteurs, des vieilles dames brandir leurs balais, et même un vieux chien qui aboyait en direction des policiers. Les vitrines des magasins ont été brisées, ainsi que des poulets ont été lâchés sur la route. Des feux de Bengale ont été allumés à chaque coin de la rue. De Bengale. C'est dur à dire fermier furieux. Fermier furieux. Fermier des fermiers furieux. Oui, furieux. Très bien. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui dis les titres. C'est ça. Grâce à ton allocution. Mon allocution verbale. Aussi. Merci Jocelyn pour ces informations locales. La météo. La météo de ce 22 décembre, elle est marquée par le froid. Ce froid qui tombe sur la France comme un monstre. La photo. Décrochage. C'est à cause de... Ah, je l'ai pu, vous êtes sûr. Alors, c'est à cause de ce froid que chacun va devoir ressortir ses plus grandes écharpes et ses plus confortables manteaux. Ces deux attributs réunifiés auront décidé d'éliminer la sensation de froid et leur sentence est irrévocable. Je la faisais mieux chez moi, je suis désolé. Je propose qu'on enregistre chez toi. Ah ouais, enregistre en fait, toi et tu nous passes le MP3. Tout a basculé quoi. Au moment où, quand je parlais, je t'ai vu te mettre les croisés les bras. Et ça, directement, je me suis dit, oh là là. Tu vois, je suis sorti de mon corps. J'ai vu que t'as décroché là. Ouais, c'était difficile. Désolé. Ouais, ouais, ouais. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs et des auditrices. Non, mais j'aime quand tu me surprends. Ah ouais. J'aime quand tu me surprends. Non, non, mais en fait, si tu veux, j'ai croisé les bras en me disant, bon alors, qu'est-ce qu'il fait et surtout, qui est-ce qu'il imite? Parce que je me suis dit, quelque part, il doit imiter quelqu'un, il aime bien imiter les gens. C'est un imitateur. Il y avait un petit peu, mais très loin, de Fabrice Lucchini. Non. Non, mais très loin. Ah, vous l'avez toujours pas. Attends, je réessaye. Bah si, bien sûr que si, on l'a. Oui, oui. Mais si, moi, je l'ai. De Gaulle. Que... Mais non, c'était le Koh-Lanta. Oui. Denis Brogniart. Ah, mais oui, c'est Denis Brogniart. La météo. Ah. Non, je l'ai plus. Bah, désolé, je l'ai plus. Mais si, mais enfin. Bah, on l'avait. Hein. Bon, écoutez, moi, on va réenregistrer toute l'émission. Je regarde pas Koh-Lanta. On verra. Bah, tu réécouteras l'émission, tu verras. Ah putain, mais en fait, c'est Koh-Lanta. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, c'est Denis. N'hésitez pas, oui, puisque nos émissions sont disponibles en replay. En podcast, tout bonnement. Ouais, en podcast, voilà. Sur le site de Fadjet. Je savais, j'hésitais entre Denis Brogniart et Bigard, j'aurais dû faire Bigard. Les deux, tu tiens très bien. J'en profite d'ailleurs pour te expliquer aux gens. Vous tapez matinale de 18, voilà, ça suffit. Et hop, vous avez l'embarras du choix sur toutes les matinales. Alors, il n'y a que la première qui vous propose, mais il faut cliquer sur le bouton. Est-ce que vous voulez voir les précédentes? Ah ouais. À ce moment-là, il y a tout qui défile. Voilà, bon, vous ne les voyez pas, mais si vous les écoutez. Mais ça, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, clairement. Stromae, c'est sympa aussi. Stromae, c'est pas mal. Hein, Stromae, j'adore. Alors, on danse. Et derrière, c'est les grosses fesses. Les grosses fesses, un peu spéciales, non? Enfin, non, même pas spéciales. Tu vas nous parler de quoi dans les grosses fesses? Alors, ça va être de quoi la thématique? Je vais vous parler des idées cadeaux un petit peu farfelues pour ceux qui n'auraient pas encore été faire leurs cadeaux pour Noël. Le 22 décembre. Ça sera pas les grosses fesses, ça sera une chronique cadeau de Noël. Voilà. Voilà. Et ben c'est parti juste après Stromae. Alors. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore. Alors on danse. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille. Sur Fadjet. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc. C'est beau. Et les yeux oui, c'est beau. Levés vers le ciel à jeu. On a rien trouvé de mieux que cette genoux, musique. Les petits enfants, c'est un peu alors, bizarre si tu savais, quand même. Et alors si je te faisais écouter les paroles de O Catarinetta Bella Cicci, on est carrément sur de la pédophilie puisque il explique à une dame de 16 ans que ça serait bien qu'elle fasse l'amour. Okay. Avec tous oh, les cool. hommes. Qui... Eh ben... Avec tous les hommes. Je ferai écouter les paroles de O Catarinetta Bella. Ça pourrait être pour une prochaine émission, ça fait plaisir. Ouais. Joyeux Noël. Aussi, petit papa Noël, qu'est-ce que tu nous proposes comme cadeau de Noël, Jeanne? Alors là, le temps passe et Noël approche et oui, vous ne savez plus quoi, vous n'avez plus d'idées parce qu'à force tous les ans, on offre toujours la même chose. Ouais. En plus, le budget, il est un peu serré parce que franchement, les factures, elles augmentent. Ah oui, donc, ça, c'est positif là. Je vous ai fait une petite liste. C'est vrai, t'as un joli gilet jaune. Ouais. C'est ça. Ouais, oh, voilà. Des cadeaux. Une petite liste de cadeaux Allez. Assez sympathiques qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc, on peut démarrer par une planche apéro de régime. Voilà, c'est ça. Déjà, planche apéro et régime. Ça colle pas. C'est un cure-dent en fait. J'avais compris c'est une planche apéro de Régine. Ah, de Régine, la chanteuse. Oh, Régine, tu l'as même pas fait avec la tête de Régine. C'est tombé les petits papillons. Mais parce qu'en plus, elle est morte en 2022, donc je me pense à elle. Un truc, quoi. Ouais. C'est vrai ou c'est Google comme elle pas de chez non, ça c'est vrai. Non, non, non, c'est pas Justin qui lui a dit. Moi, je suis le seul qui dit des trucs vrais. C'est des sources. Donc, une planche apéro de régime ou de régine, à convenance. Excuse-moi, mais c'est quoi une planche apéro de régime? Mais oui, planche apéro de régime. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est un cure-dent. Ah oui d'accord. T'en poses quoi sur un cure-dent à part tu mets des concombres, tu mets des tomates cerises, ou tu mets des olives, une tomate cerise, un glaçon. Un glaçon sur le cure-dent. Après on peut aller aussi sur un porte-clés personnalisé avec la tête de Tristan dessus. Ah ouais. Ah bah voilà là on ça. Commence à parler là quand même. Pour votre mamie, un petit chapeau en crochet en forme de poulpe. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ou en forme de Jocelyn. Bah oui, exactement. Ou en forme de Jocelyn poulpe. Voilà. Très rapidement la même chose. Tentacule. En train de faire de la trompette. À votre belle-mère, vous pouvez lui offrir une carte cadeau chez Damar. Ah ouais. Voilà. J'ai pas pensé à ça. Carte cadeau chez Damar, ça. Damar, c'est quoi? C'est des draps? Mais non, Damar. Allez, faites-lui ça. Connais Damar. C'est les sous-vêtements qui tiennent chaud. Bah ah, d'accord. Okay. De personnes âgées. Il y avait tellement de pubs à l'époque là-dessus. Ah bah moi je Damar, les sous-vêtements qui tiennent chaud. Ouais, clairement. Ah je vois, bah oui. Bah, ah bah oui, c'est Damar. Les sous-vêtements. Faut pas qu'on cite d'autres marques à l'antenne. Ouais, Damar. Qu'est-ce qui tient chaud? Plaid. Le vin chaud. Il y a un thermos. Et le vin chaud. Le mug qui tient chaud, thermos. Alors si votre papa est un petit peu stressé, vous pouvez lui offrir une boule anti-stressicule. Ah ouais. Mais non. Si. Ça consiste en quoi? C'est une boule anti-stressicule. Je pense que ça parle de soi-même. Bah hein, oui, mais c'est ça, la forme de testicule. Bah ça, oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est et ça. Ça, c'est pour le daron, ça fait plaisir. Voilà. À votre ex, vous pouvez lui offrir le livre du parfait crevard. Ah ouais. Avec comme quatrième de couverture, pour vivre comme un prince, il faut savoir être une pince. Voilà, ça peut être sympa. Le message est envoyé. Surtout s'il est cancer avec la pince. Ah oui. Pour James par exemple, comme James a des origines écossaises, hein, c'est vrai, comme on voit à sa couleur de cheveux, James Daniel. On peut lui offrir un déguisement écossais. James Daniel. Un déguisement écossais avec le monstre du Loch Ness sous le kilt. Ah oui, et ça. Et ah ça. Putain, je viens de comprendre. Avec des jolies boules. Il est pas avec déjà la boule anti-stress. Ouais. Vous pouvez offrir à votre mère un nain de jardin en état d'ivresse. Aussi. Oui. Pour le rendre à Fort Boyard après. Petite nièce, vous pouvez lui offrir un coffret maladie d'amour en peluche avec herpès, chaude pisse, syphilis, chlamydia et papillome. C'est trop mignon. Mais juste, tu sors d'où cette liste en fait? C'est des trucs qui existent pour de vrai. Hein. Ah d'accord. Ouais. Ah d'accord. Ah oui, ça existe pour c'est de vrai. C'est un petit en ligne. T'es en train de faire des pubs. T'es en train de faire une pub. C'est quoi www. www.cadeaupourri.com. Jeanne. Des cadeaux de Jeanne.com. Des cadeaux pourris de Jeanne.com. Pour votre petit neveu de 4 ans, vous pouvez lui offrir une tirelire cochon cagnotte pour la retraite. Mais si, il a 6 ans. Il faut commencer tôt. Ah oui, ouais. 6 ans, c'est un peu tard, mais bon, ouais. On peut. Ce sera... Et pour finir, eh bien, Tristan, je t'offrirai un nain de jardin exhibitionniste. Mais pourquoi ? Parce que ça te ressemble. Parce qu'on connaît ta passion pour les nains de jardin, Tristan. Ah oui, et tu l'as pas, l'exhibitionniste. Donc en fait, c'est un nain de jardin qui écarte son manteau, c'est ça ? Un imperméable. Tant que c'est le manteau, ça, ok. Tac. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Merci, merci pour merci, Jeanne. Cette liste exhaustive. Hein, je pense qu'on a, on a tout balayé là. On a fait l'entièreté du ça, site. Vous n'avez pas de cadeau. Vous êtes vraiment naze. Franchement, on peut plus rien. Pour vous n'êtes pas des bons potes. Ouais, ouais. Mais il vous reste 2 jours. Et puis il vous reste effectivement le cristal et ses coffrets cadeaux, quoi. Oui. Ouais, exactement. Oui. Mais t'es ouvert le 24 ? Non, je suis en vacances. Oui, d'accord, mais. Non, je suis fermé. D'accord. Tu pourras toquer autant que tu voudras, tu ne rentreras pas. Non, parce que je suis un peu appuyé de compteur, c'est pour ça. Comment ça, t'es pour le 24 ou... c'est pour ça. C'est toi, j'ai parlé au patron, moi. Tu bois n'importe comment. Mais bon. Merci. Ah oui. Sans plus attendre, on va passer à l'artiste de la semaine de Fadjet. On a, à savoir Jeanne, puisque tu as une chanson a cappella. Ah oui, mais on n'a pas les moyens de mettre une musique apparemment, donc c'est ça. Donc tu vas nous faire a cappella cette chanson qui nous va c'est si ça. Bien pour Noël. On t'écoute, Jeanne. Est-ce que si on l'avait fait, on se ferait l'effet que l'on se fait chaque fois? Si on l'avait fait, on se ferait l'effet que l'on se fait. Dès que je te vois, oui, je sais que c'est toi, oui, je sais que c'est toi, oui, je sais que c'est toi. Dès que tu me vois, oui, tu sais que c'est moi, oui, tu sais que c'est moi, oui, tu sais que c'est moi. Dès que je te vois, oui, je sais que c'est toi, oui, je sais que c'est toi, oui, je sais que c'est toi. Dès que tu me vois, oui, je sais que c'est moi, oui, je sais que c'est moi, oui, je sais que c'est moi. J'aimerais pouvoir en manger chaque saison de l'année sans prendre du poids. La raclette, je voudrais en manger, même en plein été, avec les doigts. La raclette, je ne pense qu'à ça. La raclette, je ne résiste pas à cet appel du gras. Dès que je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Ce fromage onctueux nous rend tellement heureux. Dès que tu me vois, oui, tu sais que c'est moi, oui, tu sais que c'est moi, oui, tu sais que c'est moi. Quand il me reste trop de fromage, je rachète de la charcuterie. Quand j'ai trop de charcuterie, je dois racheter du fromage. J'aimerais pouvoir en manger chaque saison de l'année sans prendre du poids. La raclette, même en plein été, je voudrais en manger avec les doigts. La raclette. Oh là là. Merci. Ah, quel plaisir, merci Jeanne. Ah ouais. Et maintenant, je vous la fais avec la voix de Denis Brognard. Ouais, ouais, complète. De Jean-Marie Bigard. Ouais. Jean-Marie la raclette, Bigard. Je fais pas la raclette. De Denis Bigard. La raclette. Et voilà. La matinale de 18h, l'émission qui est... Bujan. Oui, j'avais envie de mettre un jingle. Ah voilà. Ouais. Hein, mais t'as raison. Ah mais oui. Clairement. Mets-en un deuxième. Non. Tu veux un autre jingle ? Non, c'est trop tard, j'ai plus envie. Ah non. Eh oui, bah oui, mais t'as raté ta chance. Ouais, je suis désolé. C'est pas grave. C'est déjà la fin de cette émission. Quand on finit sur une aussi belle poésie. Ah ok, ouais, ça me fait plaisir. T'as raison, on va remettre un jingle. Allez. Ouais, alors attends, voilà. Hop là. Le meilleur, hein. Ouais. Le meilleur, c'est quoi le meilleur jingle qu'on ait ? Je sais pas, c'est subjectif. Je sais pas, mais vous pourrez bientôt voter pour le meilleur jingle de l'année 2022. Ouais. Est-ce que c'est celui-là ? On vous donnera tous les liens. Ah, c'est un jingle de début, ça, que j'ai mis. Ouais, bah, alors qu'on est à la fin. Oui. Bah oui. Pendant que tu cherches, ça me permet de préciser à nos auditeurs et nos auditrices qu'on sera là la semaine prochaine, le 29 décembre. Exceptionnellement, la semaine prochaine, le 29 décembre, pour la dernière émission de l'année. Et on vous prépare absolument rien pour cette dernière émission de l'année. Soyez là, s'il vous plaît. Donc, soyez là la semaine prochaine à 18h, la matinale de 18h, avec toute l'équipe et peut-être un invité de marque. Ou peut-être pas, en fait. Et je crois que ça va être un banger, hein, parce que j'ai entendu des retours. Ça va être très très bien. Un banger, ça va. C'est quoi un banger? C'est pas un banger, c'est la définition même. Non, la définition même de l'exploit auditif, quoi. Voilà, et quand ça se passe à Londres, dans le football, on appelle ça un Arsène Banger. Ouais. Ok. Donc rien à voir avec Marc. Marc Banger? L'invité de Marc. Ah non, ouais. Non, pas du tout. Okay. Non, rien à voir. Non. Marc Wenger. Marc Wenger, non, ça n'existe il pas. Il est mort le 22 décembre, Marc Wenger. C'est ça, ouais. Voilà. J'ai retrouvé un jingle. Allez, tout. C'est toujours le même, ça. Bah oui, la matinale de 18h. C'est toujours un jingle du début. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah ouais. Hein, ah ouais, ça c'est l'ancienne version. Et la nouvelle version, alors on a ça. On a ça, je vous le mets. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Ah, ça, elle est quand même bien. Alors, ça fait partie des accents qu'on a le droit, qui sont considérés comme. La matinale des 18h. Pas raciste. Voilà. Hein. Pas Fadjets. Voilà, dès qu'on descend trop au sud, c'est raciste. Mais on en revient. Là, on est dans le nord, donc c'est bon. Allez, c'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Alors, je pense que la plupart ont compris qu'il fallait pas. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'écouter jusqu'à la fin cette émission. Non, je crois que les gens ont compris que. C'est la matinale de 18h jusqu'à 18h30, 35. Voilà, alors non, mais attends, mais je mets le générique de fin parce que c'est la fin en plus. C'est. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Au revoir. Ah oui, clairement. Il a déjà le manteau. Allez, c'est ciao. Non, attends, moi j'ai signé pour une heure. Allez. Ouais, je suis en double fil. Là, j'ai des cadeaux. Sans warning, ça me fait chier. Bon, alors je vais te le refaire, je suis désolé. Allez, on refait. Allez. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis pour cette matinale du 22 décembre, juste avant les fêtes. On vous souhaite des bonnes fêtes. Ah oui, joyeux Noël, ah, très bonne fête, joyeux Noël. On va vous revoir entre les fêtes. Mais clairement, c'était très dur de ne pas glisser sur cette phrase. Ouais, c'est vrai. On va vous entrefêter. Voilà. Ah oui. Je ne glisse pas non plus, moi non plus. Et d'ailleurs, on souhaite un joyeux Noël et un joyeux 25 décembre pour ceux qui ne se fêtent pas Noël aussi. Ouais. Et un joyeux Hanouka aussi. Et voilà, je ne sais pas le dire. C'est Hanouka le 26. C'est quoi le Hanouka? C'est la fête, une fête religieuse. Il est mort un 22 décembre. Ah ouais, pour les Marie-Thérèse. Non, non, non, non, okay, non, c'est la fête juive des Marie-Thérèse. Ah non, pas du tout. Ah non, bah, peut-être que si, hein, mais après, on ne l'a pas dit. Ok, le Hanouka. On va appeler la maman de James. Hanouka, ça me fait penser à un gâteau, le Hanouka. Non, ça c'est le Hasselamut. Tu connais les épices. Ah, tu connais pas Hanouka quand même? Non, c'est Hanouka avec un H. J'ai appris il y a peu de temps, quand je suis allé en Israël, la communion, comme on dit. Alors là, par contre, la communion, ça j'ai pas moi. J'ai pas tous les. Ah, la bar mitzvah. La bar mitzvah. Ah ouais, d'accord. Ça, j'en suis. T'as pas vu Coco? Non. Non, j'ai pas vu. J'ai vu Chouchou. Chouchou, c'est pas Coco, c'est Chouchou. Oui, parce que c'est Chouchou, ils ont mis ça. Ah bah peut-être. Non, c'est Chouchou qui veut organiser la meilleure bar mitzvah. D'accord. Bah écoute, je ne savais pas. Moi je pense à tous ces auditeurs qui écoutent depuis 10 minutes en espérant qu'on va dire un truc. Enfin, à la fin, quoi. En vrai, un 15e jingle, ça aurait été mieux. Hein. Ah ouais. Bon, on va s'en les faire anecdotes un dernier. De Rodolphe. Ouais, non, mais on va s'en faire un dernier. Ah bah oui, parce que sinon ce serait dommage. Et voilà, c'est la fin de cette émission du 22 décembre. Bonne fête. On vous souhaite de bonnes fêtes. Ah oui. Hein, on vous souhaite de bonnes fêtes. Quelle fête on fête? La Saint-Noël. Eh oui, bonne fête. Voilà. Tu vas le fêter où, toi, Noël, d'ailleurs? Je vais dans le Bordelais. C'est où? Dans le sud-ouest de la France. Le lait? Le bord de, ouais, au côté du lait. Okay. Et vous ouvrez vos cadeaux le 24 au soir ou le 25? Allez, mais on fait une deuxième émission là. Moi, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? On finira jamais. Ouais, je sais pas. Moi, je veux pas de cadeaux en fait. Mais ni le 24 ni le 25, quoi. C'est... Ah non, mais même pour les anniversaires. Mais la vie te fait pas de cadeaux? Si, mais justement, si, c'est voilà, c'est parce que la vie me fait des cadeaux que j'ai pas besoin de ce côté matérialiste de ça, cette société capitaliste. On peut t'offrir pas un cadeau. D'en faire à d'autres, en fait, c'est juste parce que t'es radin. Déjà, en fait, c'est ah ouais, de faire des gâteaux aux autres. Des gâteaux mais, ou des cadeaux des gâteaux et je des cadeaux. Je cuisine très peu. Voilà. Cadeaux au chocolat. Est-ce qu'on peut faire un jingle de fin? Non. Non, parce que là on arrive bientôt à l'heure de jeu. Là, c'est le dernier, mais l'heure c'est de le dernier. Jeu si vous êtes à l'antenne, enfin non, c'est nous qui sommes à l'antenne. Si vous êtes encore avec nous, on s'en fait. Mais là, c'est le vrai, quoi. C'est pas vraiment la tournée d'adieu de Johnny Hallyday. Mmh. C'est vraiment le jingle de fin. C'est le décès. On se le fait en vrai ou pas? Ouais. Allez. La matinale de 18h. Mais non. L'émission qui est finie. Voilà, elle est finie. Ciao tout le monde et bonne fête à tout le monde. Ah oui. Ciao. Bisous. Cordialement.